LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Excusez-moi de vous déranger, les amoureux, c'est Martine qui vient d'appeler. Faudra aller récupérer les gosses chez elle à 2h. Merci. Oh, au fait, je m'en vais. Enfin une bonne nouvelle. Mais pourquoi ? Marie-Jo, attends ! Oh, mais qu'est-ce qui lui prend ? Marie-Jo ! Quoi encore ? Marie-Jo, oh, j'ai quand même le droit d'écoucher avec mon mari, non ? Je dois avoir 9 ou 10 ans quand Josiane Balasko et Victoria Abril font irruption dans mon salon. Je ne suis pas lesbienne, je suis rouge vif. Je n'oublierai jamais mon malaise teinté de grande curiosité. Des images de lesbiennes, j'allais en manquer. Sans images, c'est le concept même de lesbienne qui m'est étranger. Aimer les filles, ça ne peut être que mon petit secret. T'en as parfaitement le droit, et moi, j'ai parfaitement le droit de partir. L'histoire manquante. Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec sortir les lesbiennes du placard. Nos images, nos mots, nos corps, nous-mêmes. Alors toi, quand tu es sympa avec les mecs, tu en un documentaire de Clémence Alzard et Somanina. Arrête, Marie-Jo, c'est pas les mecs, c'est mon mari. Alors, Gazon Maudit, c'est intéressant parce qu'on a souvent tendance à penser que le personnage il est très stéréotypé. Et puis en revoyant le film il n'y a pas si longtemps, je me suis rendu compte que finalement le personnage de Josiane Balasko, il est plutôt bien fait et plutôt beau en fait. C'est une belle bouche. Nelly Kemener, chercheuse en sciences de la communication. Et puis c'était surtout la première fois qu'on voyait un couple lesbien ensemble. La scène du bain est quand même assez extraordinaire. On les voit toutes les deux nues dans ce bain et puis en train de discuter. Mais ce qu'on oublie de dire par rapport à Gazon Maudit, et ça je trouve ça, je trouve que ça marque aussi un peu la critique parfois rapide qu'on fait vis-à-vis de nos propres représentations lesbiennes, c'est que la trame du récit est beaucoup plus autour du personnage joué par Alain Chabat. Donc le cœur du récit, c'est le traumatisme du mec en fait. Je ne peux pas. Mais enfin, Loli, tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Et à moi, donc, j'ai jamais pu saquer les gouines. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Pauvre couille. Là, tu vas vraiment l'avoir. Premièrement, il y a les lieux de transmission. Il y a l'école, il y a les bibliothèques, il y a les centres d'archives. Ça, je sais que c'est un grand débat aussi. Natacha Chetcuti, sociologue. Il y a les universités. Il y a, dans toutes ces instances, la culture qui est transmise, c'est la culture hétérosexuelle, qui ne dit pas son nom. Et dans cette culture hétérosexuelle, on va enseigner et on va plutôt privilégier surtout des auteurs hommes. Les auteurs femmes sont peu privilégiés. Alors les auteurs lesbiennes, encore moins. Ben voilà, je vous parle de Mireille Havé, je vous parle de Radcliffe Hall, je vous parle d'Audrey Lorde, un peu plus peut-être. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'auteurs qui n'ont pas cette reconnaissance-là. Alors je pense que c'est lié à ce biais androcentré et je dirais hétérocentré des lieux de transmission. Donc ça veut dire, au fond, des lieux de transmission qui sont calés sur un système hétérosexiste, pour dire non. C'est-à-dire hétérosexiste, c'est quoi ? C'est le fait de privilégier une norme dominante, l'hétérosexualité. Mais s'il y a sexisme dans hétérosexisme, ça veut dire que c'est un dispositif qui non seulement s'érige comme principe l'hétérosexualité, mais à l'intérieur duquel, justement, la classe de sexe femme est hiérarchisée par rapport à la classe de sexe homme. Voilà. Deuxième élément, je pense que c'est lié aussi à la question politique. L'histoire lesbienne, elle est quand même aussi liée à l'histoire du mouvement féministe. Quand on regarde la première vague du féminisme de la fin du 19e siècle et les auteurs des années 20, on prend Virginia Woolf, on prend Radcliffe Hall, on prend Nathalie Barnet, on prend tous ces auteurs quand même, qu'est-ce qu'elles présentent comme personnages ? C'est toujours des personnages qui sont quand même iconiques sur le plan du féminisme aussi. Quand on parle de Butler, quand on parle de Wittig, quand on parle de Doloretti, c'est encore différent, mais d'Audrey Lorde, quand tous ces auteurs-là, qui sont assez fondatrices dans le champ des études dites de genre et des sexualités aujourd'hui, sont des auteurs aussi lesbiennes. I'm homosexual. 1999, but I'm a cheerleader. I'm Sinead, I like pain, I'm homosexual. De Jamie Babbitt. I'm Graham, and I like girls a lot, and I'm a homosexual. Alors après, c'est toute la question qui se pose. Est-ce qu'il y a une écriture ou une théorisation lesbienne ? La position minoritaire et la position de l'oblique, elles forgent des types d'écriture. Les auteurs que vous allez inviter, que ce soit dans le cinéma, etc., quand même, leur cinéma, justement, c'est des cinémas du point de vue. C'est un cinéma, quand même, qui a toujours un angle critique. Mais c'est que de cette situation de domination, il y a toujours un élément, alors pas forcément de subversion, mais d'émancipation. It's time for your first disclosure. Now don't be intimidated. Why don't you start by telling us about the first time that you realized that you might be a lesbian? I'm not. Everyone just thinks I am. I shouldn't even be here. That's a perfectly normal place to start. Why don't we discuss the issues in your intervention? Well, I'm a vegetarian. Mm-hmm. Non, mais moi, je suis... Alice Coffin, journaliste et activiste. Soit je peux dire je suis une catastrophe de ce point de vue-là, où je suis le bon reflet, le bon miroir de tout ce dont on nous prive et de tout ce qu'on nous impose comme représentation, parce que mes premières représentations, force, enfin j'en ai pas, si je discute avec Sylvia Casalino, avec qui je vis, dont je suis amoureuse, tout ça, elle me dit, quand on discute de ça, elle me dit... Ah bah moi, je sais, c'est Tracy Chapman, j'avais 14 ans, tout d'un coup, waouh, ça a complètement bouleversé mon imaginaire, ça m'a ouvert plein de portes, tout d'un coup, quelqu'un comme ça, j'ai repéré plein de trucs dans ses chansons, dans sa manière d'être. Et moi, pas du tout, en fait, parce que je... Mais ça, c'est un produit très fort de la scolarité, j'allais dire. C'est fou, d'ailleurs, parce que j'ai un gros truc sentimental, mais je crois que j'arrive même plus à écouter de la musique ou des variétés à cause de ça, tellement je me suis accrochée à plein de chansons avant, qui étaient des chansons de mecs, puis des mecs pas merci, quoi, genre D'aventure en aventure de Serge Lama, La raison a raisonné, Le cœur volcan de Julien Clerc, où je vibrais comme une ouf, mais qui sont évidemment après, maintenant, où j'ai beaucoup de mal, en fait, avec la culture... Général, je fais un gros rejet là-dessus une fois que, waouh, tout ce qu'on m'a volé, quoi. Tout ce qu'on m'a pas donné, tout ce que. Enfin, voilà, je serais jamais plus. Je serais pas une lycéenne lesbienne, quoi. Je serais pas ça, je serais pas une ado lesbienne, je serais pas. Je pourrais pas le vivre parce que c'était même pas. En plus, c'est même pas un truc de censure, d'interdit, c'est vraiment ça. Ça me percutait pas, quoi, que ça pouvait être là. To your breathing, I've been trying to count sheep. Yeah, I've been staring at the ceiling for so long, hoping you would come. Thinking of my teacher, yeah, my sixth grade teacher with her long dark hair. It always works, getting me aroused. Chercher. Chercher son histoire, se plonger dans les archives lesbiennes ne se fait pas en recherchant lesbienne dans n'importe quel thésaurus ou en allant au rayon lesbienne de la bibliothèque municipale. Il faut user de moyens détournés, de subterfuges, connaître des noms, chausser son monocle pour repérer les signes et savoir entendre les noms dits. C'est aussi un long chemin semé d'embûches hétéronormées. Taper « lesbienne » dans un moteur de recherche, jusqu'à peu, c'était des pages et des pages de porno hétéro. Même chose hors rayon X. Les premières images de « lesbienne », avec 1000 guillemets, qui nous parviennent, obéissent à un schéma bien précis, tout droit sorti de la même fantasmagorie. Puissante, mais perverse. Émancipée, mais prédatrice. Hystérique, suicidaire. Ou simplement éphémère, passage éclair dans telle série ou tel film. Bref, neutralisé. Et puis il y a aussi les musées, les biographies, les rétrospectives, articles et j'en passe, qui omettent d'évoquer le lesbianisme. On peut dire que les lesbiennes ont été occultées par la culture occidentale. On a refusé d'admettre leur existence. La métaphore du fantôme est intéressante, car elle suggère le paradoxe d'une absence et d'une présence simultanée. C'est une entité, une force qui peut réapparaître. Et il y a aussi ce sentiment étrange qu'elle est quand même peut-être là. Barbara Hammer, Terry Cassell, Violette Leduc, Alison Bechdel, Anna Hoche, Dorothy Allison, Willow, Juna Barnes, Virginia Woolf, René Vivien, Ellen Page, Chantal Ackerman, Billie Jean King, Anne-Marie Schwarzenbach, Gloria Anzaldúa, Bell Hooks, Amélie Mauresmo, Virginie Despentes, Rose Troche, Jenji Cohen, Aileen Shaken, Natasha Lyon, Léa Delaria, Hélène DeGeneres. Il y a eu toute une dynamique de subversion des images. Céline Sciamma, cinéaste. Ça aussi, d'ailleurs, ça participe beaucoup de la fabrique d'un imaginaire, comment soit on attrape une image qui est pas du tout designée pour vous et on la fait sienne, et donc on produit de la contre-culture dans une culture mainstream, soit on arrive à faire la lecture d'une image qui est en fait qui inclut cette lecture queer, et là bah, c'est comme des secrets qu'on partage avec les œuvres. Ça, c'est déjà un peu plus excitant. Et puis ensuite, il y a l'irruption d'images qui manquent. Et quand on parle d'images qui manquent, on parle juste aussi de deux femmes qui s'embrassent. Hein. Ça, deux femmes qui s'embrassent, moi, la première fois que je l'ai vue, j'avais 16 ans. Ouais. C'est quand même fou, quoi, quand j'y pense. Et c'était à l'UGCDAL, parce que j'ai été voir When Night Is Falling. Et que à la séance de 9h du matin, en me disant ça y est, je vais enfin voir cette image. En fait, avant Thelma et Louise, je crois que j'ai pas eu d'image positive d'un duo féminin qui, pour le coup, en plus là, est pas vraiment lesbien. Mais déjà, ça, c'est déjà de voir des femmes ensemble, des femmes qui font équipe, qui réfléchissent, qui parlent. Rien que ça, déjà, on en manquait, quoi. Donc, et je me souviens en même temps d'une émission de Jean-Luc Delarue. Il avait fait une émission qui s'appelait « Y a-t-il une culture lesbienne ?» C'était un « ça se discute ». C'était donc la deuxième partie de soirée sur le service public. Et c'était ça l'intitulé. Et j'avais trouvé ça incroyable que ce soit ça l'intitulé. Y a-t-il une culture lesbienne? On parle d'histoire, là, par exemple, entre nous. Mais le mot culture, pour moi, c'est plus celui que j'emploie, au fond. Est-ce que, Céline Sciamma, il y a des représentations de lesbiennes dans des films qui vous ont marqué? Il y a Jeune fille en uniforme avec Romy Schneider. Ça, c'est un des premiers trucs que j'ai vu. Il y avait Rebecca de Hitchcock, la trace d'une possible, en tout cas, fixette à défaut d'un amour. Au final, il y a très peu d'images anciennes. Et c'est vrai que c'était toujours très Dolorise. C'était vraiment des images punitives. Heureusement qu'il y avait de la littérature, quoi. Oui, bien sûr. Moi, ça me semble extrêmement important de relire, par exemple, Radcliffe Hall, que j'avais lu quand j'étais adolescente, Le Puits de solitude, qui est vraiment... Et de le travailler. Suzette Robichon, éditrice, activiste et passeuse. De relire, de faire circuler des textes. Voilà, Nicole Louvier, tous ces textes-là, de les faire circuler. C'est l'époque où les archives lesbiennes vont se créer également. Et dans les archives lesbiennes, qui se créent tout à fait au début, là, dans un appartement, de Claudie Lesselier, qui est une des fondatrices. Et comme dans beaucoup de cas, donc, ces archives se créent dans des appartements, comme à Berlin, comme à New York et autres. Et donc, cette envie de rassembler, de ramasser, de discuter de tout ce qu'on est en train de rassembler, de ramasser au présent, mais aussi dans le passé, ça me semblait très important de chercher. On avait besoin de chercher des figures, une histoire. Et cette histoire-là, comme elle n'était pas donnée, il fallait la créer en allant la chercher. Il y a eu des films assez inattendus, mais peut-être pas si inattendus si on pense à ses parcours d'adolescence dans les années 90. Basic Instinct, c'est un film... Sharon Stone est devenue pour moi une icône lesbienne première. En revoyant le film plusieurs années plus tard, je me suis dit, évidemment, que j'étais complètement fan de Sharon Stone parce que, en fait, elle était avec une femme. Alors... Bon, sa compagne meurt, évidemment. Et bon, on comprend que Sharon Stone est potentiellement une tueuse. Hein, donc, on retrouve ici le film narratif classique, hein, c'est-à-dire une femme de pouvoir, dangereuse, lesbienne, qui tue et qui meurt. Ça, on est dans le truc hyper classique. Mais il n'empêche qu'avec tout ce qu'on pourrait critiquer dans ce type de film, c'est une ressource possible à investir, en fait. Parce que effectivement, c'était une belle femme lesbienne de pouvoir, et qu'en fait, on peut complètement retourner ou évacuer le versant négatif ou problématique de ce type de représentation pour investir simplement le film en tant qu'il... Enfin, constitue aussi des prémices du désir, des prémices des formes d'attirance qu'on peut avoir, etc., etc. My God, you would never know it by the way he fucks. Oh, Christ, Alice. When are you going to make up your mind between dick and pussy and spare us the gory bisexual details, please? Well, for your information, Dana, I'm looking for the same qualities in a man. 2004, The L Word, de Eileen Chaiken, la première série lesbienne. Elle deviendra iconique. As I am in a woman. Lorsque je leur disais... Salima Amari, sociologue. Est-ce que vous regardez des séries, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez, vous vous identifiez, elle me disait qu'on ne savait pas qu'on pouvait exister en tant que lesbienne et de culture musulmane ou maghrébine. Par contre, elle me citait très souvent The L Word. Anyway, explains why I haven't gotten pregnant after six months. Oh, sorry, T. He was the perfect donor. Here's the one about wanted. But my egg... just implanted so I could still conceive any time of the next two or three days. So you gotta help me find another donor. Tout en disant que c'est vrai que c'est très loin de me ressembler, on ne les voit jamais travailler, alors que moi, je ne fais que ça, et ainsi de suite. Donc, elles sont conscientes de ça, mais effectivement, en l'absence d'eux, on se contente de certaines choses, mais c'est très important. Je dis ça aussi pour les représentations, l'importance des représentations positives, notamment. Hein, et pour ces lesbiennes, c'est presque impossible, presque, je disais, donc... pendant très longtemps, impossible de se retrouver quelque part. L'image de femmes maghrébines ou musulmanes victimes, c'est quelque chose qui les écrase. What? You are just so gay. Je vais être Alice, la journaliste. Je tombe amoureuse de Shane, de Beth, de Carmen. Bref, je ne suis officiellement plus ado, mais c'est tout comme. Ça existe. J'existe. So gay. I know. C'est un impensé, mais c'est un fantasmé aussi quand même. C'est-à-dire qu'il y a une existence des lesbiennes, et c'est ça qui complique la donne. Ça existe quand même dans l'imaginaire, et qui est dans l'imaginaire fantasmatique, sexuel. C'est pas complètement effacé. Et que c'est là que c'est super compliqué en fait pour les lesbiennes. C'est-à-dire que c'est pas complètement impensable, c'est pensable selon certaines conditions des cerveaux des hommes hétéros. Hein. Il y a certaines dispositions dans lesquelles il peut laisser passer ces images lesbiennes-là. Donc les images, elles existent. Elles sont pas complètement manquantes, mais elles sont justement formatées par ces cerveaux-là des hommes hétéros. Donc pour sortir de là... Le César de la meilleure actrice dans un second rôle est attribué à Adèle Haenel... Dans Suzanne. Elle avait déjà été nommée deux fois en révélation féminine pour Naissance des pieuvres en 2008 et La Polonie en 2012, mais il s'agit de son premier César. Bonsoir. Merci beaucoup. Hein. Je sais pas quoi dire. Je suis assez. Enfin, en fait, je voulais préparer quelque chose et puis j'avais pas assez la foi. Je voudrais remercier Elisabeth Simpson, mon agent, donc pour son accompagnement au quotidien en tant que partenaire. Et surtout, je voulais remercier Céline parce que je l'aime, voilà. Merci. Avant le mouvement de libération, avant le coming out, comment on fait pour trouver des modèles? Elisabeth Lebovici, historienne de l'art. Comment on fait pour s'identifier? Comment on fait pour se représenter publiquement? Avant la visibilité. Avant une visibilité explicite. Avant la sortie du placard, je dirais, hein, qui est finalement à la télévision en France assez tardive. Hein, je crois que c'est Eloula Perrin qui, la première, dit « oui, je suis lesbienne hein, ». C'est plutôt dans les années 70-75, plutôt 75. L'huile sur le feu avec Philippe Bouvard. Voilà, exactement. Donc c'est à ce moment-là. Mais avant, il y a des... Enfin, je ne me dirais même pas des indices. Il y a en tout cas quelque chose qui nous parle. Et nous, on ne s'est pas du tout demandé si les personnes qu'on allait étudier, dont on allait essayer de comprendre un peu la présentation, justement, étaient lesbiennes ou pas. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est nous, pour un regard bon, lesbien, disons, soyons clairs, pour un regard lesbien, pour une femme qui s'identifie comme lesbienne, qui nous parle? Vous avez deviné. Qui est-ce? Qu'est-ce qui nous parle? Et c'est à cette recherche-là que nous sommes aujourd'hui en train de nous livrer avec Catherine Gonard, qui a travaillé, enfin, à la fois personnellement et pour son métier sur les archives télévisuelles. Il y a effectivement un certain nombre de signes qui nous ont extraordinairement frappés. On est très surprise quand on voit un certain nombre d'émissions où effectivement se présentent des personnes on peut dire, ou quelque chose cloche. Hein, c'est surtout ça. Alors, c'est pas la fluidité qui est la plus le trait le plus prégnant hein, dans ces spectacles qui nous sont offerts, disons dans des émissions des années 1950-1960. C'est surtout une présentation de soi où quelque chose est étrange. Yvonne de Brémondard, et vous, je vous ai vu, comtesse Anatole de Brémondard, j'ai entendu votre conférence hier aux Annales sur un thème qui vous est cher, les vitrines de Paris. Alors, c'est une voix. Parfois, c'est une robe qui va pas super bien, c'est l'absence de bijoux, c'est un certain nombre de signes, une bague au petit doigt, une chaîne à la cheville, une certaine façon de se présenter, de parler de soi, des regards, des connivences, des rires. Il y a un moment où vous avez eu une très jolie parenthèse sur votre goût pour les voyages. Oh mon Dieu, les voyages, je ne les ai jamais aimés. Mais les voyages bouleversent la vie, ils vous arrachent au doux climat de la maison, ils séparent les êtres. Alors, une fois de plus, on n'a pas du tout envie de les identifier comme lesbiennes, on ne veut pas du tout dire qu'elles sont lesbiennes. On veut parler d'une sorte d'homosocialité qui existe à la télévision française dans certaines émissions comme Cabaret du soir. Ah, je dois aller à Londres, ça vraiment je suis tentée, car je vais voir revivre mes personnages qui sont vivants, ceux de mon livre, C'est arrivé en plein Paris. Et comme C'est arrivé en plein Paris, ça se tourne à Londres. Oui, et bien voilà. Et ils vont revivre dans un film, ces gens. Et je vais emmener voilà un très joli voyage en perspective pour moi. Oh, ma cousine est contente parce qu'elle adore les voyages et moi, vraiment, je les redoute. Et nous irons pour le premier tour de Manivelle. Hi, I'm Mary Edwards. And I'm Laurie Weeks. And you're watching Dyke TV. Television to incite, subvert, organize, and provoke. And now the news. J'ai eu l'impression d'avoir jamais vu ça, moi, avec la télévision qui m'a bercée. C'est-à-dire mon enfance, mon adolescence. Comme si, en fait, il y avait une... mais peut-être que c'est un fantasme ou de l'ignorance, mais quelque chose de beaucoup plus subversif dans ces moments visuels d'avant la visibilité et d'avant le coming out. Une transgression beaucoup plus forte, finalement. Alors, je crois que c'est la technologie même de la télévision qui fait que ces moments sont possibles. C'est-à-dire que cette émission et d'autres ont lieu avant que les personnes qui sont à la télévision sachent en quelque sorte ce qu'elles font. C'est un genre nouveau, c'est un outil nouveau, c'est une technologie complètement nouvelle et on ne se voit pas, on ne se regarde pas, on ne sait pas ce qu'on fait. Aujourd'hui, et peut-être même dans ton enfance, il y a très peu d'années, les personnes sont, comme on dit en anglais, self-conscious. Elles sont parfaitement conscientes de l'image qu'elles produisent et du son qu'elles produisent, de l'impression qu'elles produisent. On a l'impression que la norme est rentrée à l'intérieur des corps. Deuxième poteau, attention, deuxième poteau. Aïe. Au deuxième poteau, elles étaient au bord de la rupture. Et voilà qui prennent peut-être un avantage définitif, les Américaines. 65e minute, le sixième but, le cinquième but. De quoi on parle? Si on parle de culture lesbienne, est-ce qu'il y a le registre d'identification, le registre de figure d'émancipation? C'est évident, tout à l'heure je parlais de Wittig, elle m'a émancipée, elle m'a permis aussi de me définir en tant que lesbienne, mais elle m'a émancipée sur le champ théorique, notamment dans le fait de prendre la question de l'utopie comme principe de réalité. L'utopie textuelle, l'utopie littéraire, le corps lesbien a été fondateur. J'ai beaucoup aimé le corps lesbien. Par exemple, Wittig, elle va démasculiniser la notion de corps pour y donner un adjectif lesbien et dans un corps qui est complètement un corps fragmenté, défragmenté, mais qui échappe à tout code hétérosexuel. Stéphane Gordon, dans Le Puits de solitude, ça a été une figure de reconnaissance. Une figure érotique aussi. Voilà, parce que voilà, il y a aussi cette question-là qui traverse les figures de reconnaissance et qui échappe, là aussi, qui échappe à sa société de départ, qui échappe au code de genre. Mireille Havé, ça a été plus, ça n'a pas été une icône en tant que telle, mais ça a été la découverte d'une écriture et d'un monde social qui m'a aussi fascinée. Mais comme je l'ai découvert plus tardivement, du coup, ça n'a pas fait le même effet quand même. Voilà. Une autre qui a été très importante dans ces icônes-là, enfin, c'est plutôt un couple. C'est Claude Cahun et Marcel Moore. Voilà. Alors ça, moi, j'aime beaucoup le travail photographique des deux. Enfin, c'est un couple hein, qui travaille ensemble. Non seulement elles sont là aussi, c'est des personnes engagées et qui un autre qualificatif qu'on n'a pas encore utilisé, qui me semble important en termes d'icône lesbienne, c'est l'hybridité. C'est-à-dire que c'est à chaque fois des espaces d'invention, c'est des espaces, on parlait du point de vue de l'écart. Là, Claude Cahun, par exemple, elle brise l'icône de, alors là je l'emploie éminemment au singulier, de la femme. C'est-à-dire de cette espèce de chose naturalisée et des valeurs féminines qui y sont associées. Par exemple, dans Héroïne, du coup, elle va plus valoriser des figures de femmes rebelles au détriment, justement, de la femme belle, esthétique. Voilà. La tirée femme, comme voilà, l'écrivait Wittig, voilà, pour ça. Le mythe de la femme. C'est tout à fait ça. Voilà, mais c'est ça. Le cœur, moi, je crois, des cultures lesbiennes, c'est la destruction de ce mythe-là. Yes, I do. Il y a eu, on a découvert comme ça, une suite d'autoportraits où à chaque fois, il y avait une production de ce qu'on pourrait appeler une performance de genre. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voyait une personne en costume, les cheveux rasés. Il y avait un autre portrait où on voyait cette personne avec une perruque, ultra maquillée, comme une espèce de travestissement comme ça. On aurait pu appeler ça, avec le vocabulaire de l'époque des années 20, une mascarade, hein, une espèce de traduction d'une hyperféminité. Et donc, on passait d'un personnage à un autre, d'un rôle à un autre. Un costume masculin, les cheveux rasés, les cheveux courts, des chemises, et puis tout d'un coup des robes, des postures différentes. Beaucoup, beaucoup de travaux sur le regard, le miroir déformant surtout, l'anamorphose, etc. Et donc, une fluidité hein, du costume et du genre qui était tout à fait inédite pour l'époque. Pendant une grande partie de ma vie de critique d'art, j'ai vécu au milieu de gens qui niaient finalement le lesbianisme de Claude Cahun, comme elle niait le lesbianisme, par exemple, d'une photographe américaine qui s'appelle Alice Austen. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'y retrouver? Qu'est-ce qu'on doit faire pour reconnaître, pour se reconnaître, finalement, dans le travail d'une artiste, d'une photographe, d'une musicienne, d'une chanteuse? Alice Austen a vécu avec une femme pendant, je crois, 50 ans. Bon. Alors, nier les relations de ces deux femmes dans des expositions qu'on peut voir, les présenter toujours de façon solitaire, etc., et rejeter dans l'indifférenciation, finalement, ces travaux à deux, c'est aussi nous priver, finalement, d'un grand cadeau qui est, effectivement, le travail à deux, le travail commun, la vie lesbienne de ces femmes. Je suis aussi intéressée par la vie privée d'Alice Austen. Quelle a été la nature de sa relation avec Gertrude Tate? Pensez-vous qu'elle se définissait comme lesbienne? Je vous ai dit que je refusais de parler de ça. Moi, j'ai souffert du manque de curation, en fait. Et donc, le caractère confidentiel de cette culture, je l'ai vécu comme une confiscation. Oh, oh, homosexuel. Et maintenant, en même temps, évidemment que cette culture, elle est puissante. Oh, oh, homosexuel. Parce que c'est une contre-culture et que du coup elle a son caractère underground. Pour moi, il y avait des effets de confiscation, il y avait des effets de hors-champ qui rendaient tout simplement cette culture difficilement accessible et donc j'en souffrais. Mais pour autant, c'est aussi dans son côté contre-culture qu'on pouvait trouver de la radicalité qui donnait de la dynamique, quoi. À partir du moment où j'ai plus habité cette culture, c'est-à-dire fréquenté des lieux, eu des amitiés, des amours, j'ai beaucoup plus apprécié des formes de confidentialité qu'il y avait là-dedans, parce que c'était des espaces d'aventure dans lesquels on était aussi en sécurité. Et ça donnait le sentiment qu'on pouvait inventer des choses. Je vivais absolument dans un monde banal et normal, enfin, où il y avait des hommes et des femmes. Et, Monique Wittig. Et où la situation était extrêmement pénible et difficile, puisque je sentais que je n'existais pas pour les autres femmes. Et ça, ça a été la chose la plus douloureuse que j'ai vécue, tu vois. En fait, c'est ça. Partir de la position de marge et voir comment la marge interroge la norme. Et non pas comment la norme façonne la marge. Ça m'intéresse moins. Mais par contre, comment la marge vient bouleverser la norme. Et cette position de l'oblique, après, forcément, cette expérience de l'oblique, cette expérience de l'étrangeté à la norme, voilà. Eh bien, elle va façonner nos subjectivités. Elle façonne nos corps, elle façonne nos manières d'être dans le corps. Qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît, par exemple, en tant que lesbienne ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas exister pour Et bien, par exemple, si je marchais dans la rue et qu'une femme me plaisait, je la regardais, elle fuyait mon regard. Maintenant, ça n'arrive plus, je t'assure, ça arrive de moins en moins. Autrefois, j'avais l'impression, quand je marchais dans la rue, c'était des regards qui me passaient à travers, tu vois ? Il y a tout un tas de codes, et dans les implicites, il y a une manière aussi corporelle de se déplacer. Donc il y a un usage aussi de l'espace public, un usage et cette expérience, je dirais, de la marge, elle peut être une expérience qui se transforme en force politique, en force transgressive. La revendiquer. On peut la revendiquer, absolument. On peut en construire de l'écriture, on peut en construire de l'art, on peut en construire de la théorie ou pas. Voilà. Je me disais toujours, c'est drôle que Germaine Greer ait écrit son titre « Femme nuque » parce que je me disais, c'est un mot que des femmes, beaucoup de femmes ont dû penser. Je me disais toujours, mais elles me voient pas, mais elles me prennent pour une nuque. Mais j'avais envie, tu sais, j'avais des envies de meurtre par moments qui étaient incroyables. J'avais envie de prendre une femme, de la secouer, de lui dire, mais regarde-moi, mais je suis là, mais je te regarde, et pourquoi tu me regardes pas? Tu vois? C'était fou, c'était vraiment un monde très désespéré. J'avais toujours envie de faire des choses extraordinaires pour attirer l'attention des femmes, tu vois. Tu en as fait des exploits. J'avais des fantasmes sans arrêt, tu sais. C'était très pénible. Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre. Être libre, c'est être seule. Vous ne croyez pas? Je vous dirai demain. Moi, j'ai tendance à exclure les hommes du cadre, y compris pour que les hommes puissent s'identifier plus facilement aux personnages. Et donc, justement, d'abolir, de penser la salle de cinéma comme une abolition de nos corps et de pouvoir se projeter dans le corps des autres. Donc, c'est aussi cette question du regard-là, quoi. Comment on crée des espaces d'identification et donc d'incarnation qui sont nouveaux pour tous et toutes, quoi. Je vais aller à la messe. Vous voulez communier? Je veux entendre de la musique. L'orgue, c'est beau, mais c'est la musique des morts. C'est la seule que je connaisse. Vous n'avez jamais entendu un orchestre? Non. Alors, j'ai envie d'attirer l'attention de ton attention sur un travail qu'a fait un groupe activiste d'Américaine, de New-Yorkaise que j'aime beaucoup et que je connais très bien, qui s'appelle Fierce Pussy, donc les chattes enragées, créé en 1991 et qui a repris son travail en 2008, je crois, issus d'ACT UP, hein, ce sont des femmes lesbiennes qui ont été complètement immergées dans la lutte contre le sida et qui ont décidé de donner la visibilité aux lesbiennes. Et alors avec justement les romans pulp, elles ont fait un travail tout à fait extraordinaire qu'elles ont appelé le caniveau, the gutter, et qui consiste à photocopier les textes d'un certain nombre de ces livres où les personnages lesbiens sont effectivement présentés comme des horreurs, des monstres, des ghouls, ou et évidemment destinés à une fin tragique. Elles ont donc photocopié un certain nombre de ces textes qu'elles avaient trouvés, c'est pas pour rien non plus, dans les archives lesbiennes de New York, hein, au Lesbian Her Story Archive. Elles photocopient ces livres et puis en fait elles effacent à peu près l'intégralité du texte, elles censurent, elles caviardent, hein, à peu près l'intégralité du texte, sauf des phrases qui peuvent justement se lire autrement. Et alors ça devient complètement torride, évidemment. Elle lui disait « enlève ta jupe », enfin bon, ça n'est que des trucs complètement torrides, très très sexuels, vraiment très très très sexuels. Quand on enlève un tout petit peu de texte, effectivement, ce qui reste, donc on voit quand même que peut-être sommes-nous amenées toutes à nous livrer à de tels ébats, à de tels travaux, c'est-à-dire à ne laisser que les phrases qui nous excitent. Alors, Mounia, 38 ans, à l'époque de l'entretien, me dit « J'ai été voir ma psy, je lui dis « Voilà, j'ai l'impression que je suis attirée par les femmes, je ne sais pas ce qui se passe. » Elle m'a dit « Est-ce que vous voyez et vous projetez avec une femme ?» Je lui dis « Non. » C'est vrai que moi, je me disais « Non, puisque ce n'était pas du tout dans mes clichés. » Déjà que je n'en connaissais pas, je ne savais même pas que c'était possible, parce que pour moi, l'homosexualité, c'était purement sexuel. C'est par rapport à l'image et la construction que j'avais. C'était que ce n'était pas des histoires d'amour, mais uniquement des histoires de cul. Et je me disais que sexuellement, c'était mieux avec une femme, mais c'était limité au sexe. Lesbienne musulmane, ça existe. Et lesbienne dans le monde arabe, ça existe aussi. Amina, des Lox, Lesbians of Color. Il y a même des poèmes avant qui étaient supprimés parce que ça parle entre deux lesbiennes ou entre deux mecs. Ou non. Il y a la princesse Walada, qui est une princesse omeyyade. Sabrine, des Lox. Qui cachait pas hein, pour clamer son amour pour les femmes, même si elle s'en était amourachée d'un mec, etc. Et tout. Bon, je pense que c'était les yeux, etc. Et tout, mais elle ne cachait pas. Et puis, il y a cette lesbienne qu'on appelait la pupille bleue. Elle serait la première lesbienne arabe visible. La chanteuse Antoine Kelton était lesbienne aussi, du coup, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, les Arabes n'acceptent pas ça. Pour eux, ça se fait pas de dire ça. Il n'y avait pas de vie possible entre deux femmes. Ça n'existait pas pour moi, dans mon esprit. Mon milieu, c'était les rebeux. J'habitais le 15e. Toutes mes copines étaient des rebeux. Tout le monde cherchait un mec pour se marier. Moi, j'ai baigné là-dedans. Et donc, la psy m'a dit, ben non, vous n'êtes pas homosexuel. Donc, voilà. Je vous ai réglé le problème. Donc, je ne suis pas homosexuelle. Comme si ça se résumait à ça. D'ailleurs, ça fait 15 ans. Je serais contente de repartir la voir en lui disant « Vous vous êtes bien plantée ». C'est vraiment la question de la neutralité aussi française. N'ayant pas accès à un discours effectivement qualifié d'universel en France, si vous êtes autre chose qu'une citoyenne française, mais j'allais même dire qu'un citoyen français, parce que régulièrement, le fait même d'être femme, déjà, vous disqualifie, au même titre que le fait de ne pas être blanc ou le fait de ne pas être hétérosexuel. On me disait très explicitement, quand il y avait des conférences des rédactions du service que, dans lequel je travaillais, qui était le service Média Culture, que je n'étais pas habilitée, autorisée à traiter des sujets qui avaient lien au féminisme ou à l'homosexualité, comme c'était dit, parce que j'étais biaisée, parce que j'avais un point de vue qui pouvait jeter la suspicion sur ce que j'allais raconter. Or, il se trouve qu'en tant que lesbienne, en tant que militante, j'ai accès à un certain nombre d'informations précisément sur ces sujets lesbiens dont d'autres journalistes ne disposent absolument pas. Donc évidemment, je fais mieux mon boulot de journaliste en étant lesbienne. Être lesbienne me rend une meilleure journaliste. Et c'est frappant parce que là où on voit l'hypocrisie des rédactions, c'est que moi, on m'interdisait de traiter ces sujets-là. En revanche, lorsqu'ils étaient traités par la rédaction, j'avais toujours à côté de mon bureau plein de petits collègues qui venaient me voir en me disant « Tu n'aurais pas le contact d'eux, qu'est-ce que tu en penses ?» Ce qui était une confirmation qu'il fallait un certain nombre d'informations, de réseaux, c'est la base pour une journaliste d'avoir du réseau, des sources pour traiter de ces questions-là. Donc bien sûr que les personnes concernées sont les mieux à même de parler de ces sujets-là. C'est bizarre de ne pas penser qu'il y a un point de vue lesbien ou d'autres points de vue minoritaires à exprimer. T'imagines le nombre de personnes qui ont des plafonds dans les yeux ? Mais est-ce que vous diriez que vous êtes une cinéaste lesbienne ? Oui. Non, et possiblement de plus en plus. Je ne regarderai plus jamais le plafond comme avant. Parce que dire qu'on est une cinéaste lesbienne, c'est aussi dire qu'il y a des cinéastes hétéros, en fait. Par conséquent. Bien sûr, ouais. Et beaucoup. Et beaucoup, bah ouais. Majoritairement, ouais, ouais. Ouais, c'est mon identité politique, c'est d'être lesbienne. Et qui est pour moi aussi une opportunité de déconstruction. C'est aussi un poste d'observation qui propose toujours des déconstructions, et y compris la déconstruction du modèle hétérosexuel. Et donc, pour moi, c'est une identité qui est très dynamique. On vit, on est éduqué dans un monde hétérosexuel, on vit dans un espace public largement hétérosexuel, on vit aussi des lieux qui vont être purement féminins, féministes, l'un ou l'autre, l'un ou les deux, et que c'est la même chose sur le regard. Moi, je suis le produit du male gaze, comme tout le monde, ça m'a mis dans des dynamiques de déconstruction plutôt que d'autres, parce qu'à la recherche d'images, à la recherche d'idées, et donc ça produit de l'hybridité, quoi, et qui permet d'inventer, quoi. Donc c'est pas purement restituer une expérience, c'est en inventer une, quoi. C'est être dans l'opportunité, ça m'offre l'opportunité d'inventer, et les outils et le désir d'inventer, en fait. C'est typiquement ça pour Jimmy d'Aloïs Sauvage. Léa Logitter, journaliste. Ça permet aussi de créer et de créer de nouvelles formes, de nouveaux types d'écriture. Oui, je pense que quand on sort son premier album, son premier EP, même encore aujourd'hui, c'est difficile de dire « je suis lesbienne » dans la première phrase d'une chanson. Enfin, c'est clair, donc c'est moins poétique, on va dire. Elle joue aussi sur l'ambiguïté, il y a une chute à la fin. Si elle avait dit dès le début « Jimmy aime qui elle veut », bah évidemment toute la structure de la chanson serait tombée. Donc il y a une créativité déjà. Nous, on voit ça comme quelque chose de quand même positif. Évidemment, ça dit quelque chose sur l'invisibilisation des lesbiennes, etc. Mais ça permet aussi de créer. Peut-être que, inconsciemment, elle n'a pas voulu mettre je, ou c'était plus facile de faire un portrait que de parler à la première personne. Mais c'est aussi une volonté artistique et une création qui est extrêmement réussie. I want a dyke for president. Je veux une gouine comme présidente. Poème de Zoé Léonard. I want a person. Je veux une personne vivant avec le VIH comme présidente. And I want a fag et une tapette comme vice-président. And I want someone with no et je veux quelqu'un qui n'a pas la sécu. And I want someone who grows et je veux quelqu'un qui a grandi quelque part où le sol est tellement plein de déchets toxiques qu'il n'a aucune chance d'échapper à la leucémie. Je veux une présidente de la République qui a avorté à 16 ans. Et je veux une candidate qui n'est pas la moins pire des deux. Je veux un président de la République dont le dernier amant est mort du sida, dont l'image le hante à chaque fois qu'il ferme les yeux, qui a pris son amant dans ses bras tout en sachant que les médecins le condamnent. Je veux une présidente de la République qui vit sans clim, qui a fait la queue à l'hôpital, à la CAF et au Pôle emploi, qui a été chômeuse, licenciée économique, harcelée sexuellement, tabassée à cause de son homosexualité et déportée. Je veux quelqu'une qui a passé la nuit au trou, chez qui on a fait brûler une croix et qui a survécu à un viol. Je veux qu'elle ait été amoureuse et blessée, qu'elle ait du respect pour le sexe, qu'elle ait fait des erreurs et en ait tiré des leçons. Joining us once again is two-time World Cup winner, U.S. national team captain Megan Rapinoe. Megan, thank you for staying with us. When you were here 4 years ago after winning the World Cup the last time, we talked about the equal pay issue and about the gender disparity in terms of how U.S. soccer treats men and women. Tell me how that fight has changed. Rachel Maddow. Well, I think it's changed dramatically now. Et Megan Rapinoe. I think everyone realizes now it's like, okay, it's time for the next step. It's time to work together to get this to a better place. Je pense à une interview récente de Megan Rapinoe dont on a beaucoup parlé parce que cette joueuse de l'équipe de football américaine, il y a une phrase qui m'a marquée. Il me semble qu'on la lit assez peu et ou en tout cas que c'est très souvent un impensé des journalistes ou de la société en général. C'est qu'elle dit que être gay, ça a tout changé de toute manière à sa vie. Et c'est vrai que quand on nous dit « mais pourquoi est-ce pertinent ? Pourquoi est-ce que ce serait une info ?» Mais parce que ça change tout. Alors ça, revendiquer le fait d'être lesbienne comme quelque chose qui change, qui bouleverse, qui change tout dans mon regard, dans ma vie quotidienne, alors là, ça devient vraiment trop compliqué à penser pour les hétéros. Là, c'est vraiment... déjà, on t'a accordé la possibilité de le dire, viens pas en plus nous dire que ça bouleverse tout, comme si c'était vraiment... il fallait quand même que les personnes qui se pensent ou qui sont dans la norme puissent absorber. C'est marrant parce que moi, en tant que journaliste, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que quand on dit... Oui, mais il n'y a pas de souci. Maintenant, tu peux être accepté dans une rédaction. Et puis, c'est bien comme ça. T'es comme tout le monde. C'est important. Mais dans une rédac, c'est bien qu'il y ait des lesbiennes. Mais ça change rien, quoi. Hein. Bah si, ça change tout, en fait. Et ça paraît quelque chose d'absolument insupportable à entendre pour beaucoup de personnes qui ont le privilège d'être dans la norme, justement. Moi, je crois quand même que la façon dont les personnages lesbiens ont été maltraités, précarisés, effacés, tournés en ridicule aussi, psychiatrisés quasiment, ça raconte vraiment la menace. Quoi, qu'à un moment, c'est une mise en tension. Quoi. C'est-à-dire que, justement, c'est un faux mépris. C'est un faux mépris parce que, en fait, dans les méchants dans les films, c'est pas quantité négligeable. En fait, le fait d'être regardé aussi durement, voire pas regardé du tout, ça raconte quelque chose d'une crainte qu'on inspire. Or, cette peur, elle est pas. Je veux dire, on n'imprime justement aucune toxicité, on n'a pas le pouvoir d'être nocive à quoi que ce soit. Donc de quoi elle parle cette peur, quoi. Et je pense qu'elle parle de la force de proposition qu'on est. Et par rapport à l'ordre, justement. Absolument. Comment est-ce qu'il de... Et c'est l'endroit où on dévoile ça qui est un endroit qui est menaçant et qui fait que on est ridiculisé comme personnage. Et donc il y a une intention. Elle cache des dynamiques qui sont menaçantes pour l'ordre établi, quoi. Et que la façon dont on nous représente, ça nous met en tension sur le fait qu'effectivement on est réformatrice, on est novatrice, et que donc ça s'applique dans le champ de la fabrication des images, des récits. Enfin, le génie lesbien à travers le c'est notre histoire, quoi, quand on voit ce que c'est, l'importance que c'est Chantal Akerman dans l'histoire du cinéma. Les lesbiennes ont développé une telle force, une telle puissance de transgression et de déconstruction, parce qu'on est obligé de le faire dans notre chair, dans notre propre imaginaire, pour arriver à des histoires amoureuses, sexuelles, sentimentales, des récits... épanouissant, heureux, on est nous-mêmes obligés de passer par toutes ces réflexions et cette déconstruction, donc ça vous rend très apte à le faire dans des choses plus collectives. Hein. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un gros génie lesbien sur les questions de comprendre comment on mène une lutte activiste, comment on bouge des corps, comment on met des corps en action, et je crois que ça vient aussi de... À quel point on a... Enfin, moi, en tout cas, j'étais obligée tout le temps de réfléchir à ce qu'on a fait de mon corps, à la façon dont mon corps est perçu, qu'est-ce qu'on m'a mis dans le cerveau, qu'est-ce qu'on m'a mis dans l'imaginaire, et qu'est-ce que je suis obligée d'extraire, de déconstruire ou de vivre avec. Mais en tout cas, c'est une réflexion permanente, et ça a évidemment un lien avec le fait que j'ai envie de faire la même chose ou que je suis capable de le faire collectivement. Je veux que le président de la République soit une femme noire. Je veux qu'elle ait des dents pourries et un sacré caractère, qu'elle ait déjà goûté à cette infâme bouffe d'hôpital, qu'elle soit trans, qu'elle soit droguée. Je veux qu'elle ait pratiqué la désobéissance civile. Et je veux savoir pourquoi ce que je demande n'est pas possible. Pourquoi on nous a fait gober qu'un président est toujours une marionnette, toujours un mac et jamais une pute. Toujours un patron et jamais un travailleur. Toujours menteur, toujours voleur et jamais puni. Europe is lost, America lost, London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow. All of the bodies that fell. The roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though. Nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. But sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat, to dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? C'était l'histoire manquante, sortir les lesbiennes du placard. Nos images, nos mots, nos corps, nous-mêmes. Avec Nelly Kemener, Natacha Chetkuti, Alice Coffin, Céline Siama, Suzette Robichon, Salima Amari, Elisabeth Lebovici, Amina et Sabrine Delox, Léa Logiter, Lecture, Tcheran Saner et Rebecca Chaillon. Un grand merci à Nicole Fernandez-Ferrer du Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir pour les archives. Prise de son, Clémence Bonfils, Claire Levasseur et Bernard Lagnel. Une série documentaire de Clémence Alzar, réalisée par Somani Knapp. Beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got lost in the last bar. Place went nuts, you can ask. I knew it was madness. Roll ran red, pure claret. And about them immigrants, I can't stand them. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich. It's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Court sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They abduct kids and fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Embarquement immédiat à bord de l'Orient Express avec l'écrivain Mathias Sénard. Il nous invite à un voyage à travers l'Europe et à destination de l'Orient, au cœur de ce train mythique. L'Orient, dans le mot Orient Express, c'est le feu sacré des temples du feu que sont les locomotives à vapeur. L'Orient Express, un rêve d'Europe, un podcast de Mathias Sénard,